Chapitre 37e. Le printemps est, cette année-là, le plus beau du monde. La terre est couverte de fleurs. Deux fois par jour, George Leland, appuyé sur sa canne de bambou, se promène dans l'allée, qu'un mur tapissé de lierre protège contre le vent d'est. Le malade s'arrête souvent pour reprendre haleine. Celui pour qui les courses folles à cheval n'étaient autrefois que jeu d'enfant compte maintenant tous ses pas. Le pauvre major n'est plus reconnaissable. Lui, qui au jour du danger n'était qu'intrépidité et oubli de lui-même, est condamné au repos absolu. Il ne se fait pas d'illusions. Il est résigné depuis longtemps à son sort, se disant qu'il vaut mieux avoir vécu que d'avoir à vivre quand tout est pour vous dans la vie, regret sans espoir. Et cependant, ses yeux s'animent parfois d'un feu étrange, en rêvant à tout ce qu'il aurait pu faire encore avec le régiment de braves soldats qu'il avait formé et qui étaient montés avec lui comme des lions à l'assaut de Delhi. Les lauriers qu'il avait cueillis au début de sa carrière avaient témoigné de la valeur de son épée. Maintenant, l'épée est brisée, le héros est vaincu, les épines succèdent au laurier et la mort lui ouvre le chemin. Voilà les chances de la guerre, se dit George Leland, à moitié couché sur le sofa devant la table où jadis il avait fait des parties d'échecs avec Barbara. Il se rappelle les beaux yeux de celle qui lui faisait alors souvent perdre la tête et la partie, et le souvenir de ses défaites a pour lui non moins de charme que celui des victoires. Les années ont fui. La guerre de Crimée est finie, les Indes sont pacifiées, les ministères se succèdent, chacun vieillit, grisonne, blanchit, arrivant plus ou moins vite à la dernière page de la vie. George Leland est le plus patient des malades. Il fait effort pour supporter la souffrance sans se plaindre et pour n'attrister personne de ses misères. On le retrouve quelquefois tel qu'il était jadis, et on pourrait le croire guéri. Si son visage émacié par la fièvre ne rappelait toujours le mal qui l'accable. George Leland est patient. Florence est héroïque. Plus son cœur est triste, plus elle s'efforce de paraître gaie et de dissimuler sous un sourire les larmes qui lui montent aux yeux. « Quel bien vous me faites, ma chère Florence !» lui dit-il un matin en se promenant avec elle dans le jardin où resplendissent tous les charmes du printemps. « Que serais-je devenu sans cet ange gardien ?» ajoute-t-il en appuyant la main sur l'épaule de Florence qui marche lentement près de lui. « Vos sœurs eussent été heureuses de faire pour un frère ce que je fais pour un ami. Elles sont bonnes et charmantes sans doute, mais toutes ont des devoirs qui les absorbent. Puis, Florence, aucune d'elles ne me rappelle Barbara. Vous êtes à mes yeux la tradition d'un heureux songe du passé. Pour moi, le souvenir remplace l'espérance, et la maison où je suis né ne m'est pas aussi chère que celle où mon cœur est né à l'amour. Puisque vous vous plaisez tant ici, nous vous garderons toujours. Mais, ma chère Florence, la maladie dont je souffre est sans remède. Il sera inutile de transformer la Villa des Roses en un hôpital pour les incurables. » Florence le regarde avec une étrange anxiété et comme quelqu'un qui n'a pas compris. « La mort, ma chère enfant, reprend-il, voilà le souverain remède à tous mes maux. » Florence surmonte avec peine son émotion et essuie à la dérobée une larme qui tombe le long de sa joue. « Ne pleurez pas ainsi, lui dit-il, car s'il m'était seulement donné de revoir une seule fois Barbara, d'entendre le son de sa voix, de presser sa main, je dirais avec Manfred, après tout, la mort n'est pas une chose si terrible. » « Je vais écrire aujourd'hui même à Barbara. C'est inutile, car elle ne peut quitter son fils. Elle quitterait tout au monde pour vous, Major Leland. Lorsque nous lui avons dit adieu, elle a fait promettre à ma mère de l'avertir, si vous exprimiez le désir de la voir. Ainsi, je vais lui écrire tout de suite. » L'effroyable faiblesse du Major Leland suggère à Florence les plus tristes appréhensions. Les yeux creusés par l'insomnie, la coloration factice des pommettes, les jambes qui tremblent font prévoir l'imminence d'un dénouement fatal. Il faut que Barbara vienne, et qu'elle vienne promptement, se dit Florence, car la fin est proche.